Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a répondu le 30 mai à la question de l'Agence télégraphique centrale de Corée au sujet de la déclaration commune publiée par les États-Unis et leurs suivistes au sommet des sept pays pour accuser à tort et à travers la République populaire démocratique de Corée. Il a dit « Lors du sommet des sept pays tenu à l'île de Sicile, Italie, les 26 et 27 mai, les États-Unis et leurs suivistes ont publié une déclaration commune contre notre République. Jusqu'à maintenant, ce sont les sept pays qui ont effectué le plus d'essais nucléaires et des missiles et qui ont vendu à qui mieux les équipements de guerre de toutes sortes comme missiles à usage d'attaque à la Corée du Sud pour ainsi aggraver à l'extrême la situation de la région. Ces pays nous proposent de renoncer à la force de dissuasion nucléaire autodéfensive, ce qui rappelle le proverbe sur le voleur qui crie au voleur. Le sommet des sept pays qui ont tous les armes nucléaires et les missiles est un rendez-vous de la conspiration pour soumettre les pays faibles et inobéissants à leur intention. Si les États-Unis et leurs suivistes pensent supprimer notre force de dissuasion nucléaire, vitalité et dignité de notre nation par la force des sanctions et pressions, ce n'est qu'une chimère. Plus ils intensifient les sanctions et pressions contre notre République, plus nous développerons davantage nos armements nucléaires sophistiqués.